France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un brigand, un monstre, un misérable ivrogne avec une hideuse petite bouche, ou alors un ange sans ailes, un ange qui présiderait au contretemps de l'humanité dont la fonction était d'amener des accidents bizarres. Faut-il croire en la possibilité du bizarre ? Nul doute. Pour Bonne Nouvelle Grand Comédien, Patrice Galbeau avait demandé à Pierre Michael de lire « L'ange du bizarre » d'Edgar Allan Poe dans la traduction de Charles Baudelaire. C'était le 7 octobre 1982 sur France Culture. C'était une froide après-midi de novembre. Je venais justement d'expédier un dîner plus solide qu'à l'ordinaire, dont la truffe dyspeptique ne faisait pas l'article le moins important, et j'étais seul, assis dans la salle à manger, les pieds sur le garde-feu et mon coude sur une petite table que j'avais roulée devant le feu, avec quelques bouteilles de vin de diverses sortes et de liqueurs spiritueuses. Je m'efforçais de me réveiller avec force vert de Lafitte et n'y pouvant réussir, de désespoir, j'eus recours à un numéro de journal égaré près de moi. Ayant soigneusement lu la colonne des maisons à louer, puis la colonne des chiens perdus, et puis les deux colonnes des femmes et apprentis en fuite, j'attaquai avec une vigoureuse résolution la partie éditoriale. Je sentis mon attention tant soit peu éveillée par le paragraphe suivant. Les routes qui conduisent à la mort sont nombreuses et étranges. Un journal de Londres mentionne le décès d'un homme dû à une cause singulière. Il jouait au jeu de Pouf the Dart, qui se joue avec une longue aiguille emmaillotée de laine qu'on souffle contre une cible à travers un tube d'étain. Il plaça l'aiguille du mauvais côté du tube et, ramassant fortement toute sa respiration pour chasser l'aiguille avec plus de vigueur, il l'attira dans son gosier. Celle-ci pénétra dans les poumons et tua l'imprudent en peu de jours. « Cet article, m'écriai-je, est une méprisable fausseté, un pauvre canard. C'est la lie de l'imagination de quelque pitoyable barbouilleur à un sous la ligne, de quelque misérable fabricant d'aventures au pays de Cocagne. Mein Gott! Vaut-il être bête pour dire ça ?» répondit une des plus remarquables voix que j'eusse jamais entendues. D'abord, je la pris pour un bourdonnement dans mes oreilles, comme il en arrive quelquefois à un homme qui devient très ivre. Mais, en y réfléchissant, je considérais le bruit comme ressemblant plutôt à celui qui sort d'un baril vide quand on le frappe avec un gros bâton. Et en vérité, je m'en serais tenu à cette conclusion si ce n'eût été l'articulation des syllabes et des mots. Par tempérament, je ne suis nullement nerveux, et les quelques verres de Lafitte que j'avais sirotés ne servaient pas peu à me donner du courage, de sorte que je n'éprouvais aucune trépidation. Mais je levais simplement les yeux à loisir, et je regardais soigneusement tout autour de la chambre pour découvrir l'intrus. Cependant, je ne vis absolument personne. « Ouf !» reprit la voix comme je continuais mon examen. « Il faut que vous soyez doux comme une porte pour ne pas me foire quand je suis assis ici à côté de vous. » À ce coup, je m'avisai de regarder directement devant mon nez et là, effectivement, m'affrontant presque, était installé près de la table un personnage, non encore décrit quoique... non absolument indescriptible. Son corps était une pipe de vin ou une pièce de rhum ou quelque chose analogue et avait une apparence véritablement falstaffienne. À son extrémité inférieure étaient ajustées deux caques qui semblaient remplir l'office de jambes au lieu de bras pendillaient de la partie supérieure de la carcasse. Deux bouteilles passablement longues dont les goulots figuraient les mains. En fait de tête, tout ce que le monstre possédait était une de ces cantines de Hesse qui ressemblent à de vastes tabatières avec un trou dans le milieu du couvercle. Cette cantine, surmontée d'un entonnoir à son sommet comme d'un chapeau de cavalier abattu sur les yeux, était posée de champ sur le tonneau, le trou étant tourné de mon côté. Et par ce trou, qui semblait grimaçant et ridé comme la bouche d'une vieille fille très cérémonieuse, la créature émettait de certains bruits sourds et grondants qu'elle donnait évidemment pour un langage intelligible. « Chutney !» disait-elle. « Il faut que vous soyez où comme une banque pour être assis là et ne pas me voir quand je suis assis ici. Et je dis aussi qu'il faut que vous soyez une bête plus grosse quinoise pour ne pas croire ce qui est imprimé, tant l'imprimé. C'est la vérité. La vérité, mot pour mot. Qui êtes-vous, je vous prie ? Dis-je avec beaucoup de dignité, quoiqu'un peu démonté. Comment êtes-vous entré ici ? Et qu'est-ce que vous débitez là ? Comment je suis entré ? Répliqua le monstre. Ça ne vous regarde pas. Et quant à ce que je t'épite ce que je trouve bon de t'épiter. Et quant à ce que je suis justement venu pour que vous le voyiez par vous-même. Vous êtes un misérable ivrogne, dis-je. Et je vais sonner et ordonner à mon valet de chambre de vous jeter à coups de pied dans la rue. Répondit le drôle. Pour ça, vous ne le pouvez pas. Je ne puis pas, dis-je. Que voulez-vous dire ? Je ne puis pas quoi ? Zoner le cloche, répliqua-t-il en essayant une grimace avec sa hideuse petite bouche. Là-dessus, je fis un effort pour me lever, dans le but de mettre ma menace à exécution. Mais le brigand se pencha à travers la table et, m'ajustant un coup sur le front avec le goulot d'une de ses longues bouteilles, me renvoya dans le fond du fauteuil d'où je m'étais à moitié soulevé. J'étais absolument étourdi et pendant un moment, je ne sus quel parti prendre. Lui, cependant, continuait son discours. Vous voyez que le mieux est de vous tenir tranquille. Et maintenant, vous saurez qui je suis. Regardez-moi. Je suis l'ange du bizarre. Assez bizarre, en effet. Mais je m'étais toujours figuré qu'un ange devait avoir des ailes. Des ailes ? Qu'ai-je à faire d'elles ? Me prenez-vous pour un boulet ? Oh non, non, non, non. Vous n'êtes pas un poulet, non, certainement. À la bonne heure ! Tenez-vous donc tranquille et comportez-vous bien. Ou je vous padrai encore avec mon poing. C'est le boulet qui a tes ailes, et l'époux qui a tes ailes, et le démon qui a tes ailes, et le grand diable qui a tes ailes. L'ange, il a pas tes ailes. et je suis l'ange Tibizar. Et cette affaire pour laquelle vous venez, c'est... C'est... Cette affaire? Oh! Quelle vile espèce de... Comme un mal il fait être plus tôt pour demander un gentleman à un ange s'il fait des affaires. Ce langage dépassait tout ce que je pouvais supporter, même de la part d'un ange. Aussi, ramassant mon courage, je saisis une salière qui se trouvait à ma portée et je la lançai à la tête de l'intrus. Mais il évita le coup où je le visais mal, car je ne réussis qu'à démolir le verre qui protégeait le cadran de la pendule placé sur la cheminée. Quant à l'ange, il comprit mon intention et répondit à mon attaque par deux ou trois vigoureux coups qu'il m'asséna consécutivement sur le front comme il l'avait déjà fait. Ce traitement me réduisit tout de suite à la soumission, et je suis presque honteux d'avouer que, soit douleur, soit humiliation, il me vint quelques larmes dans les yeux. « Mein Gott !» dit l'ange du bizarre en apparence très radouci par le spectacle de ma détresse. « Le pauvre est très ivre ou très affligé. Il ne faut pas boire sec comme ça. Il faut mettre de l'eau dans votre faim. Tenez, buvez-moi ça. Buvez ça comme un garçon sage. Elle ne plairait plus maintenant. Abdentez-vous. » Alors, l'ange du bizarre remplit mon verre, qui jusqu'au tiers seulement contenait du porto, d'un fluide incolore qu'il répandit d'un de ses bras. J'observai que les bouteilles qui lui servaient de bras avaient autour du col des étiquettes et que ces étiquettes portaient l'inscription « Kirschenwasser ». La bonté attentive de l'ange m'apaisa considérablement et soulagé par l'eau avec laquelle il avait, à diverses reprises, coupé mon vin, je retrouvai enfin le calme suffisant pour écouter son très extraordinaire discours. Je ne prétends pas relater tout ce qu'il me dit, mais ce que j'en retins en substance, c'est qu'il était le génie qui présidait au contretemps dans l'humanité et que sa fonction était d'amener ces accidents bizarres qui étonnent continuellement les sceptiques. Une ou deux fois, comme je me hasardais à exprimer ma totale incrédulité relativement à ses prétentions, il se fâcha tout rouge, si bien qu'à la fin, je considérais comme la politique la plus sage de ne rien dire du tout et de le laisser aller son train. Il parla donc tout à son aise pendant que je restais étendu dans mon fauteuil, les yeux fermés, et que je m'amusais à mâcher des raisins et à chiquenauder les queues à travers la chambre. Mais l'ange, cependant, interpréta cette conduite de ma part comme un signe de mépris. Il se leva dans un effroyable courroux, rabattit complètement son entonnoir sur ses yeux, lâcha un vaste juron, articula une menace dont je ne saisis pas le caractère précis, et finalement me fit un profond salut d'adieu en me souhaitant, à la manière de l'archevêque de Gil Blas, beaucoup de bonheur et un peu plus de bon sens. Son départ fut pour moi un bon débarras. Les quelques verres de Lafitte que j'avais bu à petits coups avaient eu pour effet de m'assoupir et je sentis l'envie de faire une sieste de 15 ou 20 minutes, comme c'est ma coutume après le dîner. J'avais à 6 heures un rendez-vous important auquel je devais être absolument exact. Ma police d'assurance pour mon habitation était expirée depuis le jour précédent Et une difficulté s'étant élevée, il avait été convenu qu'à 6 heures, je me présenterais devant le conseil des directeurs de la compagnie pour arrêter les termes d'un renouvellement. Je tente un coup d'œil sur la pendule de la cheminée, car je me sentais trop assoupi pour tirer ma montre. J'eus le plaisir de voir que j'avais encore 20 minutes à moi. Il était 5h30, je pouvais aisément me rendre au bureau d'assurance en 5 minutes et ma sieste habituelle n'avait jamais dépassé 25 minutes. Je me sentis donc suffisamment rassuré et je m'arrangeai tout de suite pour faire mon somme. Quand j'eus fini, à ma grande satisfaction, et que je me réveillai, je regardai de nouveau l'horloge et je fus à moitié disposé à croire à la possibilité des accidents bizarres en voyant qu'au lieu de mes 15 ou 20 minutes habituelles, je n'en avais dormi que 3. Je repris donc ma sieste et enfin, m'éveillant une seconde fois, je vis avec un immense étonnement qu'il était toujours 6h-27 minutes. Je sautai sur mes pieds pour examiner la pendule et je m'aperçus qu'elle s'était arrêtée. Ma montre m'informa qu'il était 7h30. J'avais donc dormi 2 heures et mon rendez-vous était manqué. Rien n'est perdu, me dis-je. J'irai au bureau dans la matinée et je m'excuserai. Cependant, que peut-il être arrivé à la pendule? En l'examinant, je découvris qu'une des queues de raisin que je lançais à travers la chambre pendant que l'ange du bizarre me faisait son discours avait passé à travers le verre brisé et s'était logé, assez singulièrement, dans le trou de la clé. Se projetant en dehors par un bout, elle avait ainsi arrêté la révolution de la petite aiguille. « Ah ah ! » dis-je. « Je vois ce que c'est. Cela saute aux yeux. Accident naturel, comme il doit en arriver de temps à autre. » Je ne m'occupais pas davantage de la chose, et à mon heure accoutumée, je me mis au lit. Ayant placé une bougie sur une tablette au chevet de mon lit, je fis un effort pour lire quelques pages de l'omniprésence de la divinité et je m'endormis malheureusement en moins de 20 secondes, laissant le flambeau allumé à la même place. Mes rêves furent terriblement troublés par les apparitions de l'ange du bizarre. Il me sembla qu'il se tenait au pied de ma couche, qu'il tirait les rideaux et qu'avec le son caverneux, abominable d'un tonneau de rhum, il me menaçait de la plus amère vengeance pour le mépris que j'avais fait de lui. Il finit sa longue harangue en ôtant son chapeau en tonnoir et en me fourrant le tuyau dans le gosier, il m'inonda d'un océan de Kirschenwasser qu'il répandait à flot continu d'une de ses bouteilles à long col qui lui servait de bras. À la longue, mon agonie devint intolérable et je m'éveillai juste à temps pour m'apercevoir qu'un rat se sauvait avec la bougie allumée enlevée de sa tablette, mais pas assez tôt malheureusement pour l'empêcher de regagner son trou avec sa dangereuse proie. Bientôt, je sentis mes narines assaillies par une odeur forte et suffocante. La maison, je m'en apercevais bien, était en feu. En quelques minutes, l'incendie éclata avec violence et dans un espace de temps incroyablement court, tout le bâtiment fut enveloppé de flammes. Toute issue de ma chambre, excepté la fenêtre, se trouvait coupée. La foule, cependant, se procura vivement une longue échelle et la dressa. Grâce à ce moyen, je descendais rapidement et je pouvais me croire sauvé quand un énorme pourceau, dont la vaste panse et même toute la physionomie me rappelait en quelque sorte l'ange du bizarre, quand ce pourceau, dis-je, qui jusqu'alors avait paisiblement sommeillé dans la boue, se fourra dans la tête que son épaule gauche avait besoin d'être grattée et ne pouvait pas trouver de grattoir plus convenable que le pied de l'échelle. En un instant, je fus précipité sur le pavé et j'eus le malheur de me casser le bras. Cet accident, joint à la perte de mon assurance et à la perte plus grave de mes cheveux qui avaient été totalement flambés, disposa mon esprit aux impressions sérieuses, si bien que finalement, je résolus de me marier. Il y avait une riche veuve qui pleurait encore la perte de son 7e mari, et j'offris à son âme ulcérée le baume de mes vœux. Elle accorda, non sans résistance, son consentement à mes prières. Je m'agenouillai à ses pieds, plein de gratitude et d'adoration. Elle rougit et inclina vers moi ses boucles luxuriantes jusqu'à les mettre en contact avec celles que l'art de Grandjean m'avait fournies pour suppléer temporairement ma chevelure absente. Je ne sais comment se fit l'accrochement, mais il eut lieu. Je me relevai sans perruque, avec un crâne brillant comme une boule. Elle, pleine de mépris et de rage, à moitié ensevelie dans une chevelure étrangère. Ainsi prirent fin mes espérances relativement à la veuve, par un accident que certainement je ne pouvais pas prévoir, mais qui n'était que la conséquence naturelle des événements. Sans désespérer toutefois, j'entrepris le siège d'un cœur moins implacable. Cette fois encore, les destins me furent, pendant quelque temps propices, cette fois encore, un accident trivial en interrompit le cours. Rencontrant ma fiancée dans une maison où se pressait l'élite de la cité, je me hâtais pour la saluer d'un de mes saluts les plus respectueux, quand une molécule de je ne sais quelle matière étrangère se logeant dans le coin de mon œil me rendit pour le moment complètement aveugle. Avant que j'eusse pu recouvrer la vue, la dame de mon cœur avait disparu, irréparablement offensée de ce que j'étais passé à côté d'elle sans la saluer. Ce qui lui plut de considérer comme une grossièreté préméditée. Pendant que je restais sur place, ébloui par la soudaineté de cet accident qui aurait pu arriver à n'importe qui sous le soleil, et que ma cécité persistait, je fus accosté par l'ange du bizarre, qui m'offrit son secours avec une civilité à laquelle j'étais loin de m'attendre. Il examina mon œil malade avec beaucoup de douceur et d'adresse, m'informa que j'avais une goutte dans l'œil, et de quelque nature que fût cette goutte, l'enleva, me procurant ainsi un grand soulagement. Je réfléchis alors qu'il était pour moi grandement temps de mourir, puisque la fortune avait juré de me persécuter, et je me dirigeai en conséquence vers la rivière la plus prochaine. Là, me débarrassant de mes habits, car aucune raison ne s'oppose à ce que nous mourions comme nous sommes nés, je me jetai la tête la première dans le courant. Le seul témoin de ma destinée était une corneille solitaire qui, ayant été séduite par du grain mouillé d'eau-de-vie, s'était enivrée et avait abandonné le reste de la troupe. À peine étais-je entré dans l'eau que cet oiseau s'avisa de s'enfuir avec la partie la plus indispensable de mon costume. C'est pourquoi, remettant pour le moment mon projet de suicide, je glissai tant bien que mal mes membres inférieurs dans les manches de mon habit et me mis à la poursuite de la coupable avec toute l'agilité que réclamait le cas et que me permettaient les circonstances. Mais la mauvaise destinée m'accompagnait toujours. Comme je courais à grande vitesse, le nez en l'air, et ne m'occupant que du ravisseur de ma propriété, je m'aperçus subitement que mes pieds ne touchaient plus la terre ferme. Le fait est que je m'étais jeté dans un précipice et que j'aurais été infailliblement brisé en morceaux si, pour mon bonheur, je n'avais saisi une corde suspendue à un ballon qui passait par là. Aussitôt que j'eus suffisamment recouvré mes sens pour comprendre la terrible position dans laquelle j'étais situé, ou plutôt suspendu, je déployai toute la force de mes poumons pour faire connaître cette position à l'aéronaute placé au-dessus de moi. Mais pendant longtemps, je m'époumonnais en vain. Ou l'imbécile ne pouvait pas me voir, ou méchamment, il ne voulait pas. Cependant, la machine s'élevait rapidement, pendant que mes forces s'épuisaient plus rapidement encore. Je fus bientôt au moment de me résigner à mon destin et de me laisser tomber tranquillement dans la mer, quand tous mes esprits furent soudainement ravivés par le son d'une voix caverneuse qui partait d'en haut et qui semblait bourdonner nonchalamment un air d'opéra. Levant les yeux, j'aperçus l'ange du bizarre. Il s'appuyait les bras croisés sur le bord de la nacelle avec une pipe à la bouche dont il soufflait paisiblement les bouffées et il semblait être dans les meilleurs termes avec lui-même et avec l'univers. J'étais trop épuisé pour parler de sorte que je continuais à le regarder avec un air suppliant. Pendant quelques instants, bien qu'il me regardât en plein visage, il ne dit pas un mot. Enfin, faisant passer soigneusement son écume de mer du coin droit de sa bouche vers le gauche, il consentit à parler. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il. « Eh, bar le diable, que faites-vous là ?» À ce trait suprême d'impudence, de cruauté et d'affectation, je pus à peine répondre par quelques cris. « Au secours ! Servez-moi dans ma détresse !»« Vous servir ?» répond le brigand. « Pas moi ! Voici la bouteille, servez-vous vous-même, et que le diable vous emporte !» Et avec ces paroles, il lâcha une grosse bouteille de Kirschenwasser, qui tombant précisément sur le sommet de ma tête, me donna à croire que ma cervelle avait sauté en éclats. Frappé de cette idée, j'étais au moment de lâcher prise et de rendre l'âme de bonne grâce, quand je fus arrêté par le cri de l'ange, qui me commandait de tenir bon. « Tenez bon !» disait-il. « Ne vous pressez pas, entendez-vous ? Voulez-vous prendre encore l'autre bouteille ou bien êtes-vous dégrisé et revenu à vous-même ?» Je me dépêchais de secouer deux fois la tête, une fois dans le sens négatif, voulant dire que je préférais pour le moment ne pas prendre l'autre bouteille. Et une fois dans le sens affirmatif, signifiant que je n'étais pas ivre et que j'étais positivement revenu à moi-même. Par ce moyen, je parvins un peu à adoucir l'ange. « Et maintenant ? » demanda-t-il. « Vous croyez en vain ? Vous croyez à la possibilité du bizarre ? » Je fis avec ma tête un nouveau signe d'assentiment. « Et vous croyez en moi, l'ange du bizarre ?» Nouveau oui, avec ma tête. « Et vous reconnaissez que vous êtes une ivrogne aveugle et une bête ?» Je fis encore oui. Mettez-t-on votre main droite dans la poche gauche de votre culotte en témoignage de votre parfaite soumission à l'ange du bizarre. Cette condition, pour des raisons bien évidentes, me parut impossible à remplir. D'abord, mon bras gauche ayant été cassé dans ma chute du haut de l'échelle, si j'avais lâché prise de ma droite, j'aurais tout à fait dégringolé. En second lieu, je n'avais plus de culotte depuis que je courais après la corneille. Je fus donc obligé, à mon grand regret, de secouer ma tête dans le sens négatif, voulant par la faire entendre à l'ange que je trouvais incommode en ce moment précis de satisfaire à sa demande, si raisonnable qu'elle fût d'ailleurs. Cependant, à peine avais-je cessé de secouer la tête que l'ange du bizarre se mit à rugir. « Allez-t'en au diable !» En prononçant ces mots avec un couteau bien affilé, il coupa la corde à laquelle j'étais suspendu. Et comme il se trouva par hasard que nous passions juste au-dessus de ma maison, j'eus le bonheur de dégringoler la tête la première par la grande cheminée et de m'abattre dans le foyer de ma salle à manger. En recouvrant mes sens, je m'aperçus qu'il était environ 4 heures du matin. J'étais étendu à l'endroit même où le ballon m'avait laissé tomber. Ma tête traînait dans les cendres d'un feu mal éteint, pendant que mes pieds reposaient sur le naufrage d'une petite table renversée parmi les débris d'un dessert varié, y compris un journal, quelques verres brisés, des bouteilles fracassées et une cruche vide de Kirschenwasser et de Skidam. Ainsi s'était vengé l'ange du bizarre. C'était Bonne Nouvelle Grand Comédien de Patrice Galbeau. Pierre Michael lisait L'Ange du Bizarre d'Edgar Allan Poe. Traduction Charles Baudelaire. Première diffusion sur France Culture le 7 octobre 1982. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.